Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. XVIIIe épisode, le guet-apens. La Main Rouge connaît donc déjà le projet de Lord Buridan et de ses amis d'attaquer l'île des Pendus. Cela n'inquiète guère le diabolique docteur Cornelius. En effet, grâce à une fausse lettre de Bondana, il a réussi à tromper ses adversaires sur l'emplacement exact de l'île des Pendus. Mais ce n'est pas tout. Il a également chargé Slug, encore lui, de faire engager des tramps de la Main Rouge dans l'équipage de la Revanche, le yacht que fait construire Fred Jorgel pour attaquer l'île des Pendus. Par contre, ce que Cornelius ignore, c'est que Lord Buridan est en train de faire construire dans le plus grand secret son propre yacht, l'Ariel, à bord duquel prendront place les acrobates du Gory Club. Alors que Pagano et Ravenel sont restés à San Francisco pour surveiller les derniers détails de la construction de la Revanche, Lord Buridan et ses amis ont suivi Fred Jorgel, que ses affaires appelaient à New York. Ils peuvent ainsi, en toute tranquillité, jouer les touristes en attendant le grand départ. Trouvé ce matin en me promenant dans les rues de New York. Comment va-t-il? Oh, que c'est drôle! Jamais je n'ai rien vu de pareil. Bah, pourquoi je suis ridicule? Mais enfin, pourquoi te moques-tu de moi ainsi, Frédéric? Maintenant, je n'oserais plus mettre ce chapeau. Bah, mais je ne me moque pas de toi, André, au contraire. Tu es ravissante, n'est-ce pas, Isidora? Oh, Frédéric a raison, ce chapeau vous va ravir, André. Oui, absolument. Oh, tiens! Voici Lord Buridan et son ami Cloum. Nous n'attendions plus qu'eux. Nous sommes tous là, non? Eh bien, oui. Vous ne voulez vraiment pas nous dire de quoi il s'agit, mon cher Harry? Mais, pas question, ma chérie. J'ai promis à votre père qu'il annoncerait lui-même la nouvelle. Alors, cher Lord Buridan, ces affaires qui vous retenaient à New York... Terminées. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah! Oui. L'Ariel est prêt à prendre la mer. Et vous voyez, je vous avais bien dit que mon yacht serait fini avant le vôtre. Vous exigez trop de perfectionnement, mon cher Harry. Et je me demande si votre revanche sera jamais prête à prendre la mer. Si vous fait rire ainsi. C'est que justement... Quoi? Voici Fred Jorgel. Bonjour, mes amis. Bonjour. Bonjour, ma petite fille. Un gros baiser à ton petit papa. Voilà, bonjour. Bonjour. J'espère que je n'ai pas trop perturbé votre programme de visite à New York en vous demandant d'être tous ici en pleine journée. Oh, pas du tout, non, pas du tout. Seulement, nous sommes tous très impatients de savoir pourquoi tu nous as demandé de venir. Eh bien, je ne vous ferai pas languir davantage. Voilà. J'ai reçu ce matin une lettre de M. Pagano de San Francisco. Ah. Il m'annonce que la Revanche est prête à prendre la mer. Oh, alors nous pouvons partir tout de suite à la recherche de mon père. Oh, comme je suis heureuse. Eh non, non, pas tout de suite. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. Messieurs Pagano et Ravenel ont fixé le départ au 13 janvier. Oh. Mais vous savez, ça va être un voyage fatigant. Il serait bon que vous preniez quelques semaines de repos avant le départ. Pourquoi n'iriez-vous donc pas passer ces quelques semaines à Golden Cottage? C'est la meilleure époque de l'année. Oh oui, quelle bonne idée! Nous pourrions partir demain, qu'en pensez-vous? Oh oui, très bien. Oh, je serais tellement contente de quitter la neige de New York pour le soleil de la Californie. Oh, eh bien, c'est entendu. Je vais faire prévenir pour qu'on vous prépare Golden Cottage. Comme ça, on ne pourra plus parler du cottage hanté. Du cottage hanté? Hanté? Oh mon Dieu, c'est vrai. J'avais oublié de vous raconter cette histoire. Figurez-vous que le lendemain de notre départ, il y a 2 mois, de Golden Cottage, des maraudeurs ont essayé d'y pénétrer. Ils en ont été chassés, paraît-il, par une bête mystérieuse qui les a cruellement mordus. Depuis, personne n'ose plus s'approcher de la maison. Les gens de la région prétendent que c'est le fantôme du précédent propriétaire qui revient rôder dans la villa. sous forme d'un animal diabolique. Ah. J'espère qu'aucun de vous ne croit au revenant, n'est-ce pas? Bon, eh bien, je vais immédiatement télégraphier à messieurs Pagano et Raphaël afin de les prévenir que vous partez demain sur le Pacific Central Railway. D'accord? Mais, oui, mais c'est que je... Aurais-tu peur des fantômes par hasard, André? Mais non! Mais seulement je dois me rendre après-demain au consulat de France pour finir de régler les papiers de succession et je ne peux absolument pas remettre ce rendez-vous. Eh bien, nous t'attendrons. Oh non, je vous en prie. Je ne veux pas déranger vos plans. Je peux très bien me débrouiller et vous rejoindre à Golden Cottage dans 4 jours. Mais voyons, André, c'est un très long voyage. Mais non. Oh, Frédéric a raison, nous pouvons très bien retarder notre départ de quelques jours. Absolument. Non, je vous en prie. Ne changez rien pour moi. Partez demain, je vous rejoindrai. Vous viendrez simplement me chercher à la gare de Jewelly. Bon, très bien. Mais permettez-moi au moins de vous laisser Mistress McBarlot comme compagne de voyage. Oh, ainsi cela vous paraîtra moins long. Merci, chère Isidora. J'accepte votre offre avec plaisir. Donc, à 4 jours à la gare de Jewelly? Je serai également très heureuse d'y retrouver messieurs Pagano et Ravenel. Mesdames, nous serons dans quelques minutes à la station de Jewelly. Merci, mon brave. Merci, madame. Ah, attendez, je vais vous aider à sortir vos bagages. Oh, merci beaucoup. Jewelry Station, dernier arrêt avant San Francisco. Jewelry Station, dernier arrêt avant San Francisco. Jewelry Station. C'est curieux. Nos amis ne sont pas sur le quai. Et personne ne nous attend. Si, regardez, mademoiselle André. On dirait que cet homme là-bas nous regarde. Ah oui, il vient vers nous. Il doit être envoyé par Miss Isidora. Mademoiselle André de Maubreuil? Oui. Je suis le chauffeur du Golden Cottage. Si vous voulez bien me suivre, la voiture est devant la porte. Bien. Quand même étonné que Frédéric et Antoine ne soient pas venus nous chercher à la gare. Mademoiselle Frédéric a peut-être été retenue à la villa par l'arrivée de quelques invités. Vous savez comment est la vie à Golden Cottage? Oui, bien sûr. Mais quand même, Antoine... Vous savez bien qu'il est presque tous les jours à San Francisco. Quand même. Cela fait plus de 2 mois qu'il ne m'a pas vue. Enfin non, je trouve cela vraiment très étonnant. De toute façon, nous voici arrivés. Comme tout est noir. Je suis sûre qu'il y a quelque chose d'anormal, Mistress McBarlot. Vite, remontons dans la voiture. Chauffeur ! Chauffeur ! Mon Dieu ! Le chauffeur nous abandonne. Mistress McBarlot ! Mistress McBarlot, où êtes-vous ? Ici, sur le perron, mademoiselle André. Je sais où est la lumière, j'ai ouvert la porte. Venez ! Ne me laissez pas seule, Mistress McBarlot ! Mais enfin, où êtes-vous ? Répondez ! Mistress McBarlot, répondez-moi. Allumez vite. Je suis là, dans l'entrée. Hello, honey. Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Inutile de crier, mademoiselle. Mistress Barlotte ne vous entend plus. Nous sommes seuls dans cette maison, vous et moi, ici. Oh, au secours! Non, non, shut up! Inutile de crier. Personne ne peut plus vous entendre, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Maintenant, vous allez m'écouter. Non, jamais! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Écoutez-moi, écoutez-moi, je vous dis. Mais enfin, que voulez-vous? De l'argent? Tenez, prenez mon portefeuille. Là, dans mon sac. Prenez tout, je vous en prie, lâchez-moi. Non, je vous dis que j'ai pas besoin de vos dollars. Ce que je veux, c'est que vous m'écoutiez. Vous entendez? Écoutez-moi. André, je vous en prie, André. Écoutez-moi, je vous aime. Je vous aime comme un fou. Venez, venez, je vous dis. Partons, vous et moi, suivez-moi. Il faut maintenant que vous veniez avec moi. Vous entendez? Vous êtes fou. Non, non, venez, lâchez-moi. Venez. Non, non. Vous êtes malade? Non, non. Au secours! Arrêtez de crier! Arrêtez de crier, bon Dieu! Arrêtez de crier! Personne ne viendra. Cette fois, c'est moi. Et moi seul qui ai décidé de tout. Suivez-moi, suivez-moi. I love you. C'est le seul moyen pour vous d'échapper à un terrible danger qui vous menace. Vos amis mourront, mais moi je vous sauverai, vous entendez? Je vous sauverai moi seul. Vous êtes fou! Non! Lâchez-moi! Non, non! La garce. Elle m'a griffé. J'aurais dû vous enlever sans essayer de vous expliquer. Imbécile que je suis. Et maintenant, vous me souffrez de gré ou de force, vous entendez? Oh, mon laid! Taisez-vous, ça suffit maintenant! Tais-toi! Tais-toi! Et maintenant, viens! Allez! Non! Shut up! Ma voiture est cachée derrière, là-bas, dans la maison. Laissez-moi faire, sinon je vous brise. Vous entendez? Lâchez-moi! Au secours! Ah. Au secours! Au secours! Au secours à moi! Au secours! Le monde à moi! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours, le monstre! À moi! Tu l'as, pistolet, mon brave pistolet. Ah, enfin, vous êtes tous là. André, Antoine. Si vous saviez, j'ai été attaquée par un homme. Et sans ce chien, vous ne m'auriez jamais revue. Mais mademoiselle André, ce chien, vous le reconnaissez pas? Non. Mais c'est pistolet, voyons. Mais oui, pistolet. Oh, mais c'est vrai que maintenant, il a l'air d'une vraie bête sauvage. Ah, oui. Oh. Mais c'est l'Orburidan! Attendez, venez, non, allez, par là, allez, par là, non, par là. Par oui, attendez. Attention, venez. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Écoutez, vous n'entendez rien? Ah, Mais on dirait que ça vient de derrière cette tenture. Mais oui, regardez. Mistress McBarlott. Mais elle est sans connaissance. En effet, elle a été chloroformée. Mais ce n'est pas grave, elle se réveillera d'elle-même dans une demi-heure. Non, le mieux est de l'allonger sur ce divan et de la laisser dormir. Voilà. Je suis certain que c'est encore un coup de la main rouge. Et vous, André, vous vous sentez mieux? Oh, comme cela. Je vais aller te chercher un petit whisky. Mais enfin, où étiez-vous donc tous? Pourquoi n'étiez-vous pas à la gare? Mais nous y étions, mais à San Francisco, comme nous vous l'annoncions dans le câble. Tiens. Tenez, buvez, là. Merci. Dans le câble? Eh oui. Quel câble? Eh, voilà, j'avais raison, elle ne l'a pas reçu. En ne vous voyant pas descendre du train à San Francisco, nous nous sommes inquiétés et nous avons pris une voiture qui nous a emmenés le plus vite possible à la gare de Uwili. Oui, on pensait que tu y serais. Mais le chauffeur qui nous attendait alors? Eh, sûrement un envoyé de la main rouge. Quand le chef de gare de Uwili nous a expliqué qu'une voiture vous attendait toutes deux, nous sommes devenus fous d'angoisse car nous savions qu'il n'y avait personne à Golden Cottage. Ce chauffeur ne pouvait être donc qu'un faux chauffeur. Et c'est à ce moment-là que nous avons été persuadés que vous aviez été enlevé par la main rouge. La main rouge? Ça ne peut être qu'eux, car eux seuls sont aussi bien organisés. Ils ont dû savoir que nous avions tous décidé de rester à San Francisco et qu'ainsi il n'y aurait personne à Golden Cottage. Ce sont eux qui ont dû intercepter le câble que nous vous avons envoyé. Dites-moi, André, à quoi ressemblait l'homme qui vous a attaqué? Je ne sais pas. Il avait des yeux. Des yeux? Oh, excusez-moi, Miss Isidora, mais ses yeux ressemblaient à ceux de l'assassin de mon père, ce regard qui hante tous mes cauchemars. Mais son visage, comment était son visage? Je ne sais pas, Lord Buridan, il était masqué. Un masque de caoutchouc noir? Oui, comment le savez-vous? Un lord! Un lord de la main rouge, maître! Eh oui, Cloum, un lord de la main rouge. Ils sont encore mieux informés que nous le pensions. Oui, il va falloir prendre des mesures encore plus strictes que celles que nous avons prises jusqu'à présent. Oh mon Dieu, j'en tremble encore. Sans pistolet, je suis sûre que vous ne m'auriez jamais revue. Encore un peu de café, André? Oui, merci, Isidora. Ça ne va pas, André? Vous avez l'air fatiguée. Ne vous inquiétez pas, Antoine, je vais bien. Seulement, j'ai fait cette nuit des cauchemars affreux. Oh, comme je te comprends. Tu te souviens, Frédéric, de cet homme qui était monté à bord de l'Arkansas? Attends, laisse-moi me souvenir. Ah oui, celui qui était avec ces deux personnages sinistres qui nous effrayaient tant. Oui. Tu disais que ses yeux t'hypnotisaient. C'est lui, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, toute la nuit, j'ai rêvé que c'était cet homme qui m'attaquait. Je voyais ses yeux, ce regard qui m'hypnotisait. Oh, entrée. Oh. Quand je pense que son pistolet... Ah, mais le voilà. Pistolet? Viens, pistolet. Oui, oui. Couchez, allez, couchez. Mais dis donc, tu es redevenu présentable. C'est toi qui l'as lavé, Oscar? Ah, pour ça, oui, puis c'est un pâté de la tarte. J'avais l'impression de débarbouiller la bête de Gévaudan. Oui. C'est vrai qu'il avait l'air d'une vraie bête fauve. Qu'est-ce qui vous fait rire, Milord? Pistolet, quand je pense que c'est lui que tout le pays a pris pour un animal diabolique qui hantait le Golden Cottage. Eh bien, voilà au moins un mystère éclairci. Vous croyez? Mais oui, mais c'est évident. Il a dû suivre notre trace depuis des mois et il a fini par arriver ici juste après notre départ. Et il s'y est installé, c'est tout. Mais vous voulez dire qu'il aurait traversé tous les États-Unis depuis la Nouvelle-Orléans jusqu'à la Californie? Mais comment est-ce possible? Oh, mais c'est qu'on raconte des histoires étranges sur le flair des chiens. Beaucoup d'histoires extraordinaires. Mais enfin, pourquoi serait-il resté ici? Il aurait dû continuer à nous chercher, aller ailleurs. Ah non, il a dû reconnaître l'odeur de tous ses amis, la nôtre, celle de Lord Buridan, celle de Cloum. Et dans son cerveau de chien, il a dû penser que si tout le monde avait été réuni ici, eh bien tout le monde devait y revenir. Mmh. Et il s'est mis à garder la maison en nous attendant. Ouais. Voilà. Oui, c'est quand même une aventure étrange. Je suis sûr que mon ami Bondona y trouverait une explication. Il faudra que nous lui en parlions quand nous l'aurons retrouvé. Si jamais nous le retrouvons? Mais bien sûr que nous le retrouverons, mademoiselle Frédéric, je vous le promets. Foi d'Astor Buridan. Nous partons le 13 janvier et je vous promets qu'il sera parmi nous dans moins de 3 mois. Bon, mais puisque tout le monde a fini de déjeuner, si nous passions au salon pour parler de notre voyage. Oui, mais oui, Pistolet, bien sûr, tu viens avec nous, mais oui. Allez, nous ne te quitterons plus. Bien, vous avez les cartes, mon cher Ravenel? Mais oui, les voici. Voilà, alors, San Francisco, là. Oui. Le Cap Horn, ici. Nous partirons donc directement vers le sud, en naviguant au large de la côte. Excusez-moi comme ceci. De vous interrompre, mais à mon avis, oui. Il vaudrait mieux commencer par remonter vers le nord. Vers le nord? Pourquoi? Pourquoi vers pour le nord? Pour donner le change à nos ennemis de la main rouge. Il ne faut pas qu'ils se doutent de quoi que ce soit. Voyons, on pourrait même remonter jusqu'à Vancouver. Et ensuite nous diriger vers le sud en prenant la pleine mer. Oh, cela me paraît une bonne idée. Qu'en pensez-vous, Antoine? Et cela nous fera perdre du temps, mais en effet, ce serait plus prudent. Bon, voyons la carte. Alors, l'île des Pendus doit se trouver ici, n'est-ce pas? À peu près, hein? Oui, là, en tout cas, c'est ce qu'indique M. Bondona dans la lettre qu'il nous a fait parvenir. Vous avez cette lettre, Mademoiselle Frédérique? Oh, elle ne me quitte jamais, tenez. J'ai même gardé la bouteille par laquelle mon père nous l'a fait parvenir. Bien, pouvez-vous nous lire le passage où il donne l'emplacement exact de l'île? Oui, voilà. Le but de cette lettre, mon cher Lord Buridan, est de vous donner un renseignement sans lequel vous auriez les plus grandes peines du monde à découvrir mon lieu d'exil. En effet, vous ignorez la latitude et la longitude de l'île des Pendus que j'ai réussi à déterminer et qui sont les suivantes. L'île des Pendus se trouve par 110 degrés de longitude est, méridien de Paris. Attendez. 110 degrés de longitude est. Oui. Bien, je trace cette ligne. Là. Voilà pour la longitude. Alors. Silence, Pistolet. Silence. Ensuite. 110 degrés de longitude est et 50 degrés de latitude sud. 50 degrés de latitude sud. Bon, je trace cette ligne. Là. Enfin. Pistolet, ça suffit. Voilà, c'est fait. L'île se situe autour du croisement de ces deux segments, c'est-à-dire dans le voisinage du cercle antarctique, entre le Cap Horn et la Terre de la Désolation. Mais enfin, qu'est-ce que tu as, Pistolet? Mais calme-toi! On dirait qu'il nous demande de le suivre. Regardez, il se dirige par là. Ah oui? Eh bien, suivons-le. Ben oui. Il veut sûrement nous faire comprendre quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il cherche sous ce meuble? Tiens, un sac de cuir. Mais oui, je me souviens maintenant. C'est le sac que M. Bondona lui avait attaché autour du cou quand nous nous sommes échappés de l'île des Pendus. Tu es sûr, Clou? Oui. Eh bien, ouvre donc le sac, Clou. Je suis curieux de savoir ce qu'il peut bien y avoir dedans. Oh, des lettres d'alphabet en bois. Qu'est-ce que cela signifie? Ah, c'est vrai, M. Buridan, mais vous savez pas. Mais dans le temps, quand on était en France, j'avais appris à Pistolet à écrire. À écrire un Pistolet? Ben oui, et Clou m'a dit que M. Bondona avait continué à lui donner des leçons sur l'île des Pendus. Ça c'est vrai, M. Bondona passait des heures à lui faire écrire des choses que moi-même je ne comprenais pas. Eh bien Pistolet, montre-nous un peu ce que tu sais faire maintenant. Allez, c'est vrai, regardez, il dispose une lettre avec sa patte, un L, une autre, O, N, G, I, T, U, D, E, longitude. Attendez. N, O, R, D, nord. Q, U, A, R, A, N, T, E, 40. Et S, E, P, T, en plus il connaît l'orthographe, 7, longitude nord, 47. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas du tout le chiffre que nous avons trouvé dans la bouteille. Allez, Pistolet, continue, c'est bien. La latitude, maintenant, allez. Oh, c'est extraordinaire. Sacré Pistolet. Attendez, latitude ouest, 161. Oh, ben ça, alors. C'est bien, mon chien. Maintenant, je me souviens. Monsieur Bondona avait appris à Pistolet ces mots de longitude et de latitude. Il avait essayé de m'expliquer ce que c'était, mais comme je n'y comprenais rien, il n'en avait plus parlé. Mais bien sûr. Ah là là, nous sommes tous des crétins stupides, des huîtres, des imbéciles, des idiots, des ânes bâtés. Et moi le premier, je l'avoue. Nous nous sommes fait avoir comme des minables. Enfin, pourquoi dites-vous cela ? Mais oui, Oscar, et ces sacrés bandits de la main rouge sont 100 fois plus intelligents que nous. Mais pourquoi ? Vous ne comprenez donc pas que l'île des pendus se trouve au voisinage du pôle Nord ? Du pôle Nord ? Et que nous nous apprêtions à partir pour le pôle Sud ? Mais la lettre de mon père ! Un piège ! C'est un piège ! Vous dis-je, destiné à nous envoyer nous perdre dans les glaces du pôle Sud ? Une fausse lettre rédigée par les bandits de la main rouge. Mademoiselle Frédérique, vous avez des lettres de votre père, de vieilles lettres, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Eh bien, cherchez-les vite, nous allons vérifier tout de suite. Oui. Tenez, voici les lettres de mon père. Merci. Très bien, comparons. Voici la lettre trouvée dans la bouteille, oui. Et voici les autres. Oui. Oui, évidemment, c'est bien imité, mais regardez. Les T ne sont pas pareils. Ah. Et les O sont beaucoup plus étroits. Mais oui. J'avais raison, c'est une fausse lettre. Le manuscrit trouvé dans la bouteille est un faux. Oh. Eh bien, sans pistolet, nous étions dans de beaux draps. Ah, je crois qu'en effet, on peut toujours lui faire confiance. Oh, ça c'est sûr, il se trompe jamais. Oui, l'indication donnée par pistolet ne peut être que la bonne. Voilà. À partir d'aujourd'hui, il faut absolument que personne d'autre que nous, à l'exception de Fred Jorgel, ne soit au courant de ce que nous venons d'apprendre. Mais nous partons quand même le 13 janvier, n'est-ce pas ? Ça ne change rien. Qu'en pensez-vous tous ? Ah, pas de problème pour nous. Oui, non. Alors, nous partirons le 13 janvier. Et pour tromper l'ennemi, nous commencerons par nous diriger vers le sud. Oui, oui, pistolet. Viens, t'es un bon chien-chien. Tu as déjoué les plans du diabolique Cornelius. Oui, oui, mon chien. Mais le secret sera-t-il longtemps gardé, pistolet ? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius berné par un chien. Prochain épisode, pour un chèque. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Lerouge. 18e épisode, le guet-apens. Avec Pierre Vanek, Maya Simon, William Corinne, Jean-Jacques Aslanian, Pierre Constant, Gilles Guillot, Catherine Laborde, Catherine Hubeau, Denis Manuel, Julien Guillaumard, Martine Ferrière et Jean-Pierre Joris. Musique du générique, Jean Vienner, bruitage, Louis Matabon, chef opérateur du son, Bernard Charron, collaboration technique, Noélie Louis-Marie, assistante, Brigitte Bouvier, réalisation, Alain Barou. Première diffusion sur France Culture, le 20 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.